Entretien professionnel. Le salarié qui a bénéficié d'un seul entretien professionnel en 10 ans, alors qu'un accord collectif applicable dans l'entreprise impose la tenue d'un entretien au moins tous les 2 ans, peut obtenir des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail. Cette décision de la Cour de cassation peut aussi concerner, notez-le, l'entretien prévu par le Code du travail. En effet, chaque salarié bénéficie tous les 2 ans de l'entretien professionnel consacré à l'examen de ses perspectives d'évolution professionnelle et n'ayant pas pour objet d'évaluer son travail. Si l'employeur manque à cette obligation, le salarié devrait donc pouvoir réclamer des dommages et intérêts en justifiant d'un préjudice. Notez que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, s'il ressort du bilan réalisé tous les 6 ans que le salarié n'a pas bénéficié de tous les entretiens prévus, l'employeur doit verser un abondement correctif de 100 heures sur le compte personnel de formation de l'intéressé.